se poi fioresti bar, non avevo un bar. À remonter le Nil, ils sont idiots, crado, clodo, putrides, fétides. Ils te tapent dans le bide sans jamais prendre une ride. Narcissique, boulimique, psychotique, narcissique, boulimique, névrotique. Narcissique, boulimique, psychotique, érotique, y'a un hic. En un clic, te nique. Plus que la soupe caustique. Son vilain, crétin, coquin, chauffoir, pulpurin. Font pas le tabac. Son pas du matin. Le mal, bestial, animal, vandale et fécal. Tout ce qui sort du trou de balle. Une obélie pas mâle. Ils sentent le plume, le cul, le fût, les verrues, les sangsues. Y'en a un qui a trop bu. Ce sont des murs vers lui. Poésie,